Chapitre 74e, les emprunteurs. L'emprunt, qui participe de l'escroquerie et du vol, est un des moyens les plus ingénieux de s'approprier le bien d'autrui. Jamais les emprunteurs ne firent de plus brillantes affaires que durant les troubles de notre Révolution. C'était le beau temps de leur industrie qu'ils exerçaient de la manière suivante. Deux hommes d'un âge mûr voyageaient en poste, emmenant avec eux un troisième individu qui était censé leur domestique. Ces messieurs avaient tous les deux hors de l'opulence, une mise recherchée, des manières élégantes, un langage approprié et la politesse des gens de cour. Impossible de ne pas les prendre pour des personnages, et qui plus est, pour des personnages riches, en jugé par la dépense qu'ils faisaient. Jamais ils ne descendaient que dans les meilleures auberges ou dans les hôtels les mieux famés. Ce qui leur importait surtout, c'est que l'hôtelier fut un des matadors du pays. Aussi savait-il toujours à l'avance la situation de sa caisse, et s'il n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait du moins qu'ils pussent fonder leur espoir sur son crédit. Sous ce rapport, les maîtres de poste leur convenaient à merveille. Arrivés au gîte qu'ils avaient choisi, les deux voyageurs se faisaient donner la plus belle chambre, et tandis que la maison retentissait d'ordres lancés du haut de leur grandeur, le prétendu domestique s'occupait de faire remiser la voiture et de décharger les effets de ses maîtres. Rarement, cette opération ne s'effectue pas en présence du personnel de l'hôtellerie. Le bourgeois, la bourgeoise, les servantes, les garçons d'écurie, le cuisinier et jusqu'au marmiton, chacun est bien aise, en pareille occasion, de donner son coup d'œil. Chacun a son petit brin de curiosité. Ces témoins obligés de tout débarquement ne laissent pas échapper la moindre des circonstances favorables ou défavorables aux nouveaux venus. Ce sont eux qui aident au transport des malles afin d'en connaître le poids. Ils ne seraient pas fâchés d'assister à leur ouverture, et toute valise à laquelle il aurait interdit de toucher est pour eux le sujet d'une mortelle inquiétude. Ils la pèsent des yeux. Leur semble-t-elle lourde, la leur dérobe-t-on avec quelque apparence de mystère, alors le champ le plus vaste est ouvert aux conjectures. Les nouveaux venus sont des Crésus, ils traînent après eux des trésors. Confiance sans bornes, complaisance, petits soins, tout leur est prodigué. Pour eux, on se mettrait en quatre. La cave, la cuisine, l'écurie, la maison entière est en révolution. Les voyageurs dont j'entreprends de décrire les habitudes n'ignoraient pas combien peut valoir de considération une valise montrée et remarquée à propos. Leur domestique, qui était la cheville ouvrière de la mise en pratique de leur combinaison, retirait péniblement de la vache ou de l'impériale une espèce de coffret dont l'exiguïté contrastait avec l'énormité de ses efforts pour le soulever. Matin. « Il ne contient pas de la plume, » disaient les spectateurs. « Je crois bien, » répondait la cheville ouvrière. Puis se tournant vers l'hôte, l'hôtesse ou quelqu'un des leurs, la cheville, en allongeant le cou, ajoutait d'un ton confidentiel, mais toutefois de manière à être entendue de tout le monde, « C'est le magot. »« donnez donc !» répétaient cinq ou six officieux. « Attendez que l'on vous aide, » disait l'hôte, en s'avançant de sa personne pour prendre une idée du fardeau. Et quand le coffret était à terre, on procédait à l'examen de la fermeture dont on admirait le travail. Chacun faisait sa réflexion, mais la plus intéressante à recueillir était celle du patron. Le domestique de ces messieurs avait l'œil et l'oreille à tout, et si à cette époque, où les assignats constituaient seuls la fortune publique, le patron laissait échapper un geste, un propos, un regard qui trahit son amour pour le numéraire, le regard, le geste ou le propos donnait la mesure de ce qu'on pouvait tenter. Y avait-il apparence de succès, les voyageurs épiaient l'instant propice pour l'attaque. Un soir, lorsqu'ils étaient certains de n'inspirer que de la bienveillance, ils faisaient prier l'hôte, sinon l'hôtesse, ou les deux ensemble, de monter dans leur appartement. On s'empressait de se rendre à l'invitation. Alors un des étrangers disait au domestique « Comtois, ayez la bonté de nous laisser seuls. » Et dès que Comtois était sorti, l'autre étranger portait la parole. « Nous vivons dans un temps où la probité est si rare. » Que l'on doit véritablement s'estimer trop heureux de rencontrer encore des honnêtes gens. En venant chez vous, c'est un bonheur que nous avons eu. La réputation méritée dont vous jouissez nous est le garant que nous ne courons aucun risque en vos confiants secrets, qui est pour nous de la plus haute importance. Vous savez avec quel acharnement on poursuit aujourd'hui les nobles. Tout ce qui porte un nom est proscrit. Nous aussi avons été obligés de fuir notre pays pour nous dérober à la rage des révolutionnaires. Ils en voulaient à notre tête et à notre fortune, et bien nous en a pris de déguerpir. Car sans doute, à l'heure qu'il est, ce serait fait de nous. Enfin, Dieu soit loué, nous voici provisoirement, en lieu de sûreté et avec de braves gens. » Ceci était le préambule ou l'exorde. Après l'avoir débité avec toute la solennité du malheur, le voyageur faisait une pause dans l'expectative de quelques-unes de ces questions qui marquent le degré d'intérêt que l'interrogateur prend à la situation. L'épreuve était-elle satisfaisante? Il reprenait. « Vous n'ignorez pas que l'or et l'argent monnayés ont disparu de la circulation, et que quiconque en a le cache avec le plus grand soin dans la crainte d'être arrêté et traité comme aristocrate. Nous possédions des espèces d'or pour 50 000 francs. Une pareille somme est embarrassante. Afin de la soustraire plus facilement en recherche, nous l'avons fondue nous-mêmes et en avons fait des lingots. À cette époque, nous ne prévoyons pas que nous serions incessamment contraints de nous exiler, de telle sorte qu'au moment d'un départ précipité, nous nous sommes presque trouvés au dépourvu. Jusqu'ici, quelques louis d'une petite réserve que nous avions faite nous ont suffi. Mais nous ne sommes pas au terme de notre voyage, tant s'en faut, et qui sait combien de temps devra durer notre absence. Dans cette position, des fonds nous sont donc d'une indispensable nécessité, car on ne paye pas les postillons avec des lingots. Nous pourrions nous adresser à un orfèvre, mais qui répondrait qu'il ne nous dénoncera pas? Cette crainte nous a déterminés à recourir à votre obligeance. Vous pouvez nous rendre le service de nous prêter sur un ou deux lingots une somme de 5 à 6 000 francs. La quotité énoncée dans la demande était toujours proportionnée aux moyens pécuniaires de l'aubergiste. Il n'est pas besoin de dire qu'en vous remboursant le capital, nous vous tiendrons compte de l'intérêt. Quant à l'époque de ce remboursement, vous la fixerez vous-même à votre convenance. Et le délai expiré, si vous aviez besoin de faire usage des lingots, vous ne vous gêneriez pas. Un écrit de nous vous donnera à cet égard pleine et entière liberté. La botte portée, l'aubergiste était encore dans l'incertitude sur la réponse qu'il ferait. Mais bientôt les lingots étaient extraits du petit coffre et on les étalait à ses regards. Le plus léger de tous était au moins de la valeur de la somme que l'on désirait emprunter, et au lieu d'un, on en offrait deux. La garantie était double du prêt. On ne pouvait placer son argent avec plus de sécurité. Et puis la chance de s'approprier le gage, en cas de non-paiement, n'était pas une mince considération. Il n'était donc pas extraordinaire que l'aubergiste consentît à faire une opération qui présentait de si brillants avantages. Cependant, il pouvait se faire qu'il refusât. Alors, comme on ne doutait nullement de sa bonne volonté, on le priait de trouver dans l'endroit quelque richard qui voulut bien délier les cordons de sa bourse. Plutôt que de recourir à un orfèvre, on était déterminé à tous les sacrifices. C'était là une tournure délicate pour proposer un intérêt exorbitamment usuraire. L'aubergiste ne tardait pas à déterrer parmi ses connaissances un capitaliste obligeant. Le marché se concluait, mais avant de recevoir les écus, les voyageurs, fidèles à leur système de délicatesse, demandaient que le titre de l'or fût vérifié. « C'est autant pour vous que pour nous, » disait-il au prêteur. « Comme nous avons fondu des louis, des ducats, des sequins, des quadruples, enfin toute espèce de monnaie, nous sommes bien aises, pour votre sûreté comme pour la nôtre, de savoir à quoi nous en tenir. » Souvent le prêteur voulait s'en rapporter à la probité de ces messieurs, ils insistaient. Mais comment arriver à la vérification sans éveiller les soupçons du bijoutier à qui l'on s'adresserait? Chacun émettait son avis. Cependant, à tout ce qu'on imaginait, il y avait toujours un inconvénient. Décidément, la sagacité de l'assemblée allait se trouver en défaut. Tout à coup, un des filous est inspiré. « Ah, parbleu, messieurs, c'est le Ponzane. Il n'est rien de si aisé que de ne pas mettre le bijoutier dans la confidence. Sillons un des lingots, le premier venu, et nous ferons essayer la limaille. » L'expédient jugé excellent obtenait l'assentiment général et aussitôt le prêteur de scier le lingot dont les précieuses parcelles étaient recueillies dans un papier laissé à dessein sur la table. L'opération terminée, les emprunteurs enveloppaient la limaille. C'était l'instant décisif, ils formaient évidemment un paquet. Mais pendant ces mouvements, au papier dans lequel était tombée de la limaille de cuivre, ils en substituaient un autre exactement semblable qui contenait de la limaille d'or à 22 carats. Celui-là, le prêteur allait le présenter à l'essai, aussi revenait-il bientôt, avec le visage épanoui et en se frottant les mains comme un homme qui est content de sa journée. « Messieurs, disait-il en entrant, c'est du premier titre, ainsi c'est une affaire arrangée. Je vais vous compter les espèces et vous aurez la bonté de me déposer les lingots. » Rien de plus juste, mais comme dans ce monde on ne sait qui ni meurt ni qui vit, pour éviter toute contestation, nous pensons qu'il serait convenable de les enfermer dans cette boîte. Une boîte est toujours prête, sur laquelle, de part et d'autre, chacun de nous apposera son cachet. et puis ce sera plus commode pour nous, dans le cas où nous ne la retirerions pas nous-mêmes. En échange d'un petit récépissé que vous allez avoir la bonté de nous faire, vous remettez la boîte, la personne l'emporte, et tout est dit. Elle ignore de quoi il s'agit. Le récépissé ainsi conçu, je déclare avoir entre mes mains une boîte que je rendrai, sur la présentation de ce billet, à la personne qui me payera la somme de... Corroborer cette précaution si essentielle de la position des sceaux, qui devenait la garantie qu'on n'examinerait pas les lingots. De la sorte, ces filous avaient le temps de gagner une autre contrée, où, à la faveur de l'incognito, ils recommençaient leurs manœuvres, qu'ils variaient suivant les lieux et les circonstances. L'industrie des emprunteurs n'a point péri avec les assignats. Seulement, pour atteindre le même but, elle s'est ingérée de nouveaux moyens. On en verra la preuve dans le fait suivant. Deux voleurs de cette catégorie, François Motelet, dit le petit soldat, et un Italien, Felice Carolina, dit le fou de sel, avaient fait fabriquer pour le prix de 35 000 francs une parure en brillant et saphir. Munis de l'objet et de la facture, ils se rendent à Bruxelles, où ils connaissaient un ancien orfèvre retiré du commerce, le sieur Timmerman, qui avait la réputation de prêter sur gage. Ils vont le trouver à son domicile, place des Sablons, et lui demandent à emprunter 20 000 francs sur la parure. Timmerman en considère attentivement les pierreries, et quand il n'a plus de doute sur leur valeur, il déclare qu'il donnera 18 000 francs et rien de plus. Les emprunteurs acceptent, et le nantissement est sur le champ placé dans une boîte sur laquelle chacun appose son cachet. Les 18 000 francs comptés, déduction faite de l'intérêt que le prêteur a retenu par anticipation, le petit soldat et l'Italien reprennent la route de Paris. Deux mois après, ils font un second voyage à Bruxelles. L'époque fixée pour le remboursement étant venue, ils l'effectuent avec ponctualité. Et Timmerman est si enchanté de leur exactitude qu'en leur remettant la parure, dont ils se séparent pourtant à regret, il ne manque pas de leur faire des offres de service. Ces offres furent bien accueillies et on lui promit qu'au besoin, on lui donnerait toujours la préférence. Or, on va voir qu'en faisant cette promesse, messieurs les emprunteurs étaient bien résolus à ne pas s'adresser à un autre qu'à lui, bien que, suivant son usage, il les eût passablement rançonnés. À Paris, il est un bijoutier qui, depuis 40 ans, a le privilège exclusif de fournir de joyaux les rois, reines, princes, princesses, qui ont brillé sur les différents théâtres de l'Europe. De toutes parts, dans ses magasins resplendissent le diamant, l'émeraude, le saphir, le rubis. Golconde en sert moins de trésors. Mais tout ceci n'est qu'illusion pure. À la magie de cet éclat, il manque l'idéal de la valeur réelle, et tous ces feux d'une lumière si riche des enchantements de la couleur ne sont que les produits stériles d'une réflexion trompeuse. N'importe, au premier aspect, rien ne ressemble tant à la vérité que le mensonge, et le propriétaire de ces merveilles, M. Fromager, est si habile dans ses imitations qu'à moins d'être ce qu'on appelle un fin connaisseur, on n'y voit que du feu. L'Italien, le petit soldat, n'avait pas été plutôt possesseur de la parure de 35 000 francs que juste appréciateur des talents de M. Fromager, ils étaient allés lui en commander le duplicata. Le modèle sous les yeux, le bijoutier en faux s'était mis à l'ouvrage et avait exécuté un petit chef-d'œuvre. En confrontant les deux parures, impossible de ne pas les prendre pour les deux sœurs. Ce n'était pas simplement un air de famille qu'il avait réussi à leur donner. On aurait dit deux jumelles ravissantes de similitude. Enfin, elles étaient faites pour se servir réciproquement de sosie, voire même en la présence d'un lapidaire, qui ne se fut pas avisé d'y regarder de trop près. Le petit soldat et son ami l'Italien n'étaient pas fâchés de savoir si M. Timmerman ne s'y tromperait pas. Ils partirent de nouveau pour Bruxelles et engagèrent encore une fois la sœur aînée pour la même somme qu'auparavant. 10 jours après, le petit soldat se présente chez l'usurier et lui annonce qu'il vient chercher la parure. Il compte son argent, et la boîte où sont renfermés les joyaux lui est remise. Après avoir brisé les cordons et les cachets, il l'ouvre, comme pour s'assurer de l'identité du nantissement. Mais, tandis que le juif est occupé de vérifier les espèces, à la boîte qui contient la sœur aînée, il en substitue une toute semblable qui contient la sœur cadette, et il laisse celle-ci sur le bureau, tandis que l'autre, par un mouvement subtil de la main, est imperceptiblement glissé au fond d'une poche de côté, pratiquée dans la doublure d'un ample manteau. Le petit soldat va se retirer, et déjà il se dispose à prendre congé de M. Timmerman. L'Italien entre, le visage effaré. « Ah, mon cher, » dit-il en abordant son ami, Quelle fâcheuse nouvelle je viens t'apprendre. Les deux traites que tu as envoyées à Monsieur Champoux de Gand n'ont pas été payées. On en exige le remboursement. Tu sais qu'elles se montent à 7 000 francs. Quel malheur. Eh mon Dieu, il n'y a moyen d'y parer qu'en laissant la parure entre les mains de monsieur. Nous viendrons la prendre une autre fois. À votre aise, mes enfants, dit Tim Morvan, parlez avant que j'aie ouvert ma caisse. Que garderai-je, les écus ou les bijoux ? Les bijoux, répond le petit soldat. Incontinent, la boîte est ficelée et cachetée, et les deux escrocs se retirent en portant les 18 000 francs. À quelques mois de là, M. Timberman, las d'attendre les emprunteurs qui ne revenaient plus, eut l'idée de briser les scellés. Hélas, les brillants et les saphirs s'étaient évanouis. Ce n'était plus que du strass, l'or avait été remplacé par du cuivre, mais le travail en était admirable. En général, les joailliers, bijoutiers, marchands de diamants, etc., ne sauraient trop se mettre en garde contre la sœur cadette. J'en connais plus de 4 qui ont été volés, à peu de choses près, de la même manière que l'usurier Brabançon. Les filous, dont l'imagination est féconde, inventent aujourd'hui une ruse, demain une autre. Un tour qui leur réussit presque toujours est celui-ci. Ils entrent dans une boutique pour acheter des objets de prix. Leur choix est bientôt fait. Ils s'arrêtent à ce qui est de surdéfaite, et en 4 paroles, le marché conclut. Malheureusement, ils n'ont sur eux qu'une partie de la somme nécessaire. Ils reviendront. Mais comme ils tiennent à leur emplette, pour être certain qu'on ne leur changera pas, ils demandent qu'on la mette dans une boîte, qui sera ficelée et revêtue de leur cachet. Le marchand, ébloui par des arts considérables, adhère à la proposition et oublie de surveiller les doigts. Qu'en résulte-t-il ? Que l'on ficelle et cachette une substitution, tandis que la boîte ou la marchandise descend dans la poche d'un amateur qui reviendra à Pâques ou à la Trinité. La Trinité se passe, le marchand garde les arts et perd 90%. Alors il se souvient que le jour où il avait fait cette superbe affaire était un samedi et qu'il n'avait pas étrenné de la semaine. Depuis que nos voisins d'outre-mer ont pris en amour le climat de notre France, elle est incessamment parcourue dans tous les sens par une multitude d'originaux qui croient échapper au spleen en fuyant les brouillards de la Tamise. Ces milords, si chargés d'ennui, sont bienvenus dans toutes les auberges parce qu'on les suppose aussi chargés de guinées. Ils sont bizarres, fantasques, capricieux, bourrus et tout à fait difficiles à servir. N'importe, on n'a pas l'air de s'en apercevoir. Loin de là, on s'empresse, on vole au devant de leurs désirs. Et plus ils sont inconcevables, mystérieux, absurdes, enfin, plus l'on s'efforce de les deviner et de leur plaire. Les guinées, comme cela sourit à un aubergiste. Combien elles peuvent commander de complaisance à tous les hôteliers du monde. L'accueil qu'ils font aux personnages les plus baroques, lorsqu'ils sont bien annoncés, devait nécessairement être l'objet d'une remarque de la part de messieurs les filous, qui sont naturellement observateurs et savent mettre à profit toutes leurs observations. Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt pour le lecteur d'apprendre quelle partie ces bénéficiaires de la crédulité humaine savent tirer d'une feinte originalité. Que l'on se figure donc un gentleman et son domestique français ou italien, qu'il appelle John, avec ce ton à la fois sombre, bref et sec de l'impériosité d'un maître qui allie des habitudes despotiques à un dégoût bien prononcé de la vie. Le gentleman descend de sa chaise de poste, le chef affublé de son bonnet noir, soigneusement descendu jusqu'au-dessous des oreilles, il paraît souffrant, morose, à peine fait-il quelques signes. Il traverse les cours sans rien voir. Dans son incurie générale, il ne s'aperçoit pas même que le long fourreau d'alpaga dans lequel il est enveloppé balaye le pavé et que les servantes, placées sur son passage, ont de friands minois. Tout lui est indifférent, incommode, insupportable. Il ne se retourne qu'une seule fois. C'est pour s'assurer que John le suit avec le flacon de soda water et le précieux nécessaire de santé, c'est-à-dire la New London Portative Apothecary, sans laquelle tout homme comme il faut, s'il n'est bourreau de sa personne, ne saurait parcourir une distance de 4 000. Cet attirail est déjà quelque peu singulier, mais ajouté au costume, aux manières et à bon nombre d'autres circonstances, il tourne promptement au grotesque. Et 3 heures ne se sont pas écoulées depuis l'arrivée du gentleman, que dans toute l'auberge, on le regarde comme un plaisant personnage. « Qu'a-t-il donc, votre maître ? » dit alors l'hôtelier à John. « C'est un drôle d'ostrogoth. Il est plus triste que la passion, ne dit rien et souffle comme un bœuf. Ma foi, j'ai déjà vu bien des Anglais. Il ne nous est pas encore venu de si exigeant. Savez-vous qu'il faudrait toujours être près de lui? Vous voulez, vous ne voulez pas. Vous commandez et vous décommandez. Est-il malade ou fou? Ne m'en parlez pas, répond John, qui bavard comme on ne l'est pas. Monsieur, tel que vous le voyez, est bien la meilleure patte du monde, mais il faut savoir le prendre. Voilà 4 ans que nous voyageons ensemble. Il n'a jamais pu garder personne. Eh bien moi, je m'y tiens, et ma foi, je n'en suis pas fâché, à présent que je suis fait à lui. Ah, vous voyagez depuis 4 ans. Et où diable allez-vous comme cela? Où nous allons? Demandez-lui où nous allons. Il n'en sait rien lui-même. Nous nous promenons. Aujourd'hui ici, demain ailleurs. Il dit qu'il cherche à se fixer, et nous courons toujours. Ah, ce train-là, il doit lui en coûter. Oh oui. Je ne désirais pour toute fortune que les pourboires que j'ai donnés au postillon. Il est donc riche? S'il est riche, il ne connaît pas son avoir. Je ne me souviens déjà plus combien il a de 1000 livres sterling à dépenser par jour. Diable! Vous devriez l'engager à rester ici, le pays est charmant. D'abord, il y verra de bonnes gens. Ensuite, on n'y manque de rien. Des bois pour aller à la chasse. Si l'on aime la pêche, une rivière des plus poissonneuses. Des prés, des champs, des vignes, des vergers. La comédie toute l'année. Nous avons une salle de spectacle, d'excellents acteurs, une société mieux composée. Monsieur le maréchal X a son château dans les environs. Madame la comtesse de Y a le sien tout près de là. Le duc de Z est dans l'usage d'y venir passer la belle saison. Et puis le marquis de A, le général B, le chevalier C. Sans compter monsieur le maire et madame l'adjoint, où il y a réunion 2 fois la semaine. Oh, il y a ici beaucoup de distractions. Le cercle littéraire, où l'on discute et lit tous les journaux. La société d'agriculture et d'émulation qui s'honore de posséder dans son sein les savants les plus respectables du pays, des promenades magnifiques, un comité de la vaccine, l'une des plus belles églises du royaume, des concerts et des bals superbes en hiver, un tivoli et des sérénades en été, une messe en musique toute l'année et aux grandes fêtes, des processions dans lesquelles on ne peut se lasser d'admirer la fraîcheur de nos jeunes filles. En voilà de l'agrément, j'espère. Nous avons encore des casernes superbes. Il y tient plus de 2000 hommes de cavalerie. Des fourrages d'excellente qualité. Des cafés brillants, d'adorables limonadières et des billards comme à Paris. Pour un amateur, pour quelqu'un enfin qui aime à pousser la queue, je vous assure que ce n'est pas à dédaigner. Nous avons des joueurs de première force. J'oubliais de vous dire que messieurs les officiers de la garnison sont les plus aimables cavaliers qui se puissent voir. Depuis 4 ans que vous voyagez, avez-vous rencontré beaucoup de villes comme celle-là? Ajoutez qu'elle est le chef-lieu du département et que nous avons tout sous la main. La préfecture, le tribunal de première instance, la justice de paix, la cour d'assises, les exécutions, l'évêché, le collège, l'enseignement mutuel, l'école des industriels, les élections, un hôpital comme il y en a peu, des capucins, des pénitents, des jésuites, une foire de 15 jours et 1000 autres amusements de ce genre dont il serait trop long de vous faire le détail. Le tableau que vous me tracez est des plus séduisants. Et si monsieur était un homme comme un autre, je ne doute pas qu'il ne lui convient de faire ici un petit séjour. Mais voyez-vous, monsieur se plaint sans cesse de sa santé. Si ce n'est que cela, nos médecins suivent la méthode de Brousset et nous avons des sangsues délicieuses. Des sangsues délicieuses? Oui, mais l'air, ah, c'est surtout à l'air que monsieur tient. L'air est excellent, jamais de maladie. Je croyais que vous aviez un hôpital. Oui, pour les pauvres. Autrement, nous ne mourrons pas, à moins qu'on ne nous tue. Vos médecins suivent la méthode de Brousset. Les sangsues sont délicieuses. L'air est excellent. Présentement, passons au chapitre de l'eau. Ah, l'eau, l'eau, c'est le dieu de monsieur. Par exemple, je défie qu'on en boive de plus pur. Et le vin? Il est exquis. Vous avez des œufs frais? Nous avons les poules sous la main. Du lait, du beurre, Dieu merci, en abondance et de première qualité. Le roast beef, le beefsteak, serait-il aussi par hasard des produits de la contrée? Nos bœufs sont énormes, vraiment. Votre pays est un petit paradis terrestre. Vous me donnez l'envie d'y rester. Ah, si monsieur pouvait partager mon enthousiasme. Mais il ne faut pas y songer. Tout l'embête, tout le fatigue, tout l'excède. Nous avons fait ensemble les 4 coins du globe, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique. Pas de sites pittoresques, de montagnes, de torrents, de lacs, d'abîmes, de volcans, de cascades que nous n'ayons visités. Pas une horreur de la belle nature qui n'ait eu le privilège de nous attirer. Il arrivait, contemplait, bâillait et repartait. « À une autre, John !» me disait-il, et nous filions. Après cette conversation, John va s'enquérir si son maître n'a pas besoin de lui. Aussitôt, il se répand dans tout l'hôtel que le voyageur est un Milord, qu'il possède une richesse incalculable, mais que c'est un personnage des plus étranges. L'hôte ne serait pas fâché néanmoins de l'avoir pour son pensionnaire. Il fait la leçon à tout son monde. L'hôtesse aura constamment le sourire sur les lèvres et la vénération sur la langue. Un redoublement général de complaisance est prescrit. On ne doit plus avoir d'oreilles et de jambes que pour Milord. Cette consigne donnée, John ne tarde pas à descendre. « Je crois, dit-il, que nous ferons demain une petite promenade dans les environs. Monsieur m'a recommandé de l'éveiller de bonne heure. Il est moins triste que de coutume, si son humeur noire allait se dissiper. Mais non, c'est une lubie. Dans 5 minutes, peut-être, il aura changé d'idée. Avec lui, on ne peut jamais compter sur rien. » Le soir, Milord se fait servir pour son souper 2 œufs frais et 1 verre d'eau. Le lendemain, il déjeune avec 1 verre d'eau et 2 œufs frais. Il est sobre et petit mangeur au-delà de toute expression. Mais Milord est au régime. Quant à John, c'est une autre affaire. Il avale les tranches de gigot et vide les bouteilles avec une merveilleuse rapidité. Le repas terminé, on sort pour l'excursion projetée la veille et l'on ne rentre qu'après le coucher du soleil. Milord, par extraordinaire, salue l'hôtesse et paraît moins atrabilaire que le matin. Il prononce 2 ou 3 mots de compliment avec une affabilité surprenante. C'est l'ours qui commence à s'humaniser. Quelques rides de son front se sont effacées. Le bonnet noir n'est plus aussi complètement abaissé sur ses yeux. Heureux effet, influence incontestable d'une ravissante localité sur les hypocondres de Milord. John ne peut revenir d'un changement si subit. Mais ce ne sont là que de faibles indices d'une amélioration qui va se révéler par des symptômes plus étonnants encore. Milord demande du roast beef, accompagné d'une 12 de plats de la cuisine française. Il déguste les plus fins échantillons de la cave, met du rhum sur du café, du thé sur du rhum sur du thé, se couche et s'endort. John est dans la joie la plus expansive. Ou son maître est sauvé, ou il mourra bientôt. En dévorant les restes d'un splendide repas, il crie au miracle, et chacun, dans l'espoir de conserver un hôte comme Milord, s'associe à l'allégresse de son serviteur. Milord s'éveille, il a passé une nuit des plus confortables. Depuis longtemps, il n'avait goûté à ce degré les douceurs du repos. Dans l'ivresse du bien-être dont il jouit, il fait appeler l'aubergiste. John descend l'escalier 4 à 4. « Ou je me trompe, ou il y a du nouveau. Monsieur est tout guéoret aujourd'hui. Jamais je ne l'ai vu comme ça. »« John, m'a-t-il dit, nous ne partons plus. Faites-moi l'amitié pour prier monsieur l'auberge qu'il monte tout de suite. Peut-être Milord va-t-il s'installer chez vous. Je vous assure que vous n'y perdriez pas. Vous pensez, ce serait une bonne fortune pour vous. » Je ne sais ce qu'il vous veut, mais quelque arrangement qu'il vous propose, si j'ai un conseil à vous donner, acceptez. L'essentiel est de ne pas le contredire. Voyez-vous, ces Anglais, ça vous a quelquefois des idées. Mais Milord est généreux, et quand il s'est arrêté quelque part, je vous réponds que l'on s'en sent. C'est bon, on se tiendra pour averti. Merci, monsieur John. L'aubergiste se rend aussitôt au commandement de Milord à qui il se présente dans une aimable attitude de respect, c'est-à-dire le visage presque riant, les bras tombant le long de la couture de la culotte et la tête découverte. Milord désire me parler ? Yes, yes. Prenez une brancard, monsieur l'hôte. L'hôte ne comprend pas, mais John arrive. Sa seigneurie vous invite à vous asseoir. Prenez un fauteuil. Yes, yes, un fauteuil, reprend l'illustre étranger. Puis il poursuit. Je voulais vous conditionner un arrangement pour Dogma Confrontation et je voulais toute votre suite. « Donnez à ma soulation sur l'argent que vous avez nécessaire pour faire manger, cucher, locher, chauffer, blanchir. D'abord 4 chevaux à moi, 10 dogs pour la chasse du fox, 4 jeunes encore, ma carrosse et mon seigneurie. » L'aubergiste ne sait trop quoi répondre, mais John, qui voit son embarras, se fait le truchement de son maître. « Monsieur vous demande combien lui coûterait chez vous 1 an de nourriture et de logement pour sa seigneurie d'abord ?» Ensuite, pour 5 domestiques, 4 chevaux et des chiens avec lesquels il se propose de chasser le renard. Cela exige réflexion. Reflection, n'est pas reflection, parlez incontinent. Eh bien, 15 000 francs, c'est-il trop ? 15 000 francs. Ah, brave homme ! Les probités à vous, ils méritent davantage, et les probités à moi, ils commandent avec l'estime de vous and gratification relatifs à mon bienfaisance. Nous autres habitants de la Grande-Bretagne, nous avons continuellement une calculation de tête et une calculation de l'âme. Le calculation de tête, il est l'économie. Le calculation de l'âme, la libéralité. Vous avez entendement, monsieur Lott? L'économie, il dit 15, les libéralités, il dit 20, avec 5 encore, 25. Vous êtes trop bon, Milord. Non pas bonti. La résidence à votre auberge, elle était trop beaucoup réjouissante pour une Anglaise. Madame à vos charmantes une vérité, petite l'enfant madame, intéressante famille, beaucoup espiègle, je l'aimais beaucoup. Ah, moi aussi, petite l'espiègle dans mon jeunesse. Vous riez, monsieur l'auberge. Ah, vous méchante, ne pas rire. Milord, je ne me le permettrai pas. Vous avez encore des femmes de chambre dont les Surrey, les oil black et les pommes rouges de figure et les grosses mamelles me plaisent véridiquement. Votre département, il m'a enchanté. Joli colline, joli coteau, joli pocage, joli rifage, joli qui coule, joli sauces. Les ouais, une bonne potage. Vous avez une city, une société des hétérophiles. Je ne pense pas, Milord, qu'il y ait des hiéroglyphes dans le pays. Ah, dommage, dommage. Vos Français ne pas connaître la richesse de ce country. Dans les Angleterres, les hydrophiles étaient le pivot de l'eau. Moi, président supérieur des sociétés des hydrophiles, je vais vous le faire hydrophile. Milord, je ne mérite pas tant d'honneur de la part de votre seigneurie. Pardonnez, pardonnez vos bons hydrophiles. John, rappelez un mot pour faire hydrophile, monsieur. Savez-vous, monsieur l'auberge, que vous avez un soleil tout à fait à mon fantaisie, une molle plaisante naturalité de situation sur la terre, une zéphyr très appétissante pour les déjeunements, avec dans le haut une perpetual agreeability de perspective de séjour de bienheur. Pour toutes ces ravissements qui guériraient mon mélancolie, je donne à vous 25 000 francs. Répondez, vous prenez 25 000 francs. Votre générosité, Milord, va beaucoup au-delà de mes prétentions. Ah, vous acceptez. Je ferai tous mes efforts pour que vous soyez content. Vous voulez faire contente moi? Oh, John, donnez mon treasury de voyage. John tire du secrétaire un énorme sac et le remet à son maître, qui prend un poignet des pièces d'or qu'il range par 100 francs sur la table. Lorsque 15 piles sont formées, Milord rend le sac à John et lui demande un bonnet de coton. C'est l'approche du dénouement que signale un dernier trait d'originalité. Certainement, l'aubergiste ne demande pas mieux que d'avoir chez lui un pensionnaire qui paye aussi généreusement que Milord. Cependant, celui-ci exige non seulement que le pacte en vertu duquel lui et les siens devront être hébergés pendant un an soit écrit, mais encore il veut qu'un dédit en garantisse l'exécution. « Vous avez une armoire ?» dit-il à l'aubergiste. « Oui, Milord. » Ah, vous avez une armoire. Moi, j'ai la casquette de la coton, j'ai metté dans les internes Louis Mille, et encore 55 francs. Vous, pour égalité, dans la même interne, mettez aussi francs 50 cents et encore 1000, en mutual security, dans les armoires à vous. J'ai metté en prison casquette à moi, les prisons ils demeurent avec vous, et les clés ils marchent avec moi. Aujourd'hui, mon seigneurie quitte vous pour 8 jours. Vous gardez logement à mon frais, et si le finishing du mois ils viennent, la seconde journée morte à la principe des suivantes, va voir ma retourne, vous force le prison et rend le liberté à la réciproque indemnité pour personnel avantage à vous. Moi retourne, vous n'êtes plus vouloir, moi attrape indemnité and legitime compensation. Et John il faisait sa petite profit. La proposition n'est pas très claire, mais John se charge de l'interpréter. « Milord, » dit-il en faisant à l'aubergiste des signes dans le sens d'une accession pleine et entière. « Milord déposera 1 500 francs dans le bonnet que voici. Vous en déposerez autant, et les 3 000 francs seront enfermés dans une armoire dont Milord gardera la clé. Milord va s'absenter pendant 8 jours pour quelques affaires indispensables. Vous ne disposerez pas de son appartement avant le 3 du mois prochain. Si à cette époque nous ne sommes pas de retour, vous pourrez faire ouvrir l'armoire et les 3 000 francs vous appartiendront. » Si au contraire, nous sommes revenus et qu'il ne vous convienne plus de tenir le marché, vous nous remettez le bonnet avec son contenu et tout est dit. Je présume bien que vous n'aurez pas l'envie de vous dédire, mais Milord est dans l'usage de prendre de telles précautions. Puisque c'est l'usage de Milord, je suis prêt à tout pour le satisfaire. Ah, vous voulez faire plaisir à moi, hein? Milord, je vous demanderai seulement la permission d'aller chercher l'argent. « Allez, allez, monsieur l'auberge, allez, faites plaisir à moi. » L'aubergiste sort et John descend après lui afin de le catéchiser. Il s'agit de battre le fer pendant qu'il est chaud. Il s'y pense si bien qu'au lieu de 1500 francs, l'aubergiste donnerait le double. Ou par lui-même, ou par ses connaissances, il est promptement en mesure d'effectuer le versement. Alors il remonte apportant les espèces en or d'après le conseil de John. Milord, son manteau sur les épaules, se promène en long et en large. « C'était vous. Vous avez les contributions ?»« Oui, Milord, je viens mettre au bonnet. »« Vous venez mettre la bonnette. Ah, brave, brave !» Il prend le bonnet de coton et le tenant ouvert avec les deux mains. « J'étais dans le profond, d'abord l'eau en moi. » L'aubergiste jette successivement les 15 piles qui sont sur la table et quand il a fini, il se dispose à prouver qu'il ne manque pas une obole de sa quote-part. « Ah, monsieur l'auberge, vous occasionnez à moi beaucoup de peine !» Vous me faites injury for a manifestation de confiance que je mettais en l'intégrité de vous. J'étais votre contingence en nombrement aucune. L'aubergiste, ponctuel à suivre les instructions qu'il a reçues de John, dépose son or dans le bonnet. Et dès que les deux hommes y sont réunis, Milord lit le tout avec un ruban, puis se dirigeant gravement vers l'armoire, « Monsieur l'auberge, apportez le double des pots. » L'aubergiste obéit. Le dépose sur les bras, il s'avance, et Milord monte sur une chaise afin de pouvoir atteindre au dernier rayon. « Tendez le dépôt !» Le nez en l'air et la vue braquée sur la tablette supérieure, l'aubergiste remet le bonnet dans la main droite de sa seigneurie. Mais, tandis que haussant les épaules, John adresse au bonhomme un sourire à la fois approbateur et dérisoire. Par une manœuvre subtile, la main droite du maître va se décharger dans sa main gauche et saisir sous le manteau un second bonnet exactement semblable à celui qu'elle a fait disparaître. L'échange effectué, le mouvement ascensionnel dont l'interruption n'a pas été sensible, se continue et quand il cesse, l'aubergiste est bien sûr que ses 1500 francs sont avec ceux de Milord. Milord en est bien sûr aussi. À présent, l'embargo, il est sur l'argent. Il donne 2 tours de clé, descend de la chaise, demande le budget de sa dépense, paye sans marchander, dit au revoir à tout le monde et monte en voiture avec son fidèle John. « Clic-clac, bon train postillon, crève la cheval et n'est pas cassé coup à moi, les récompenses, il est au bout. »« Conduis Milord sur les bas-côtés de la route !» crie à ses gosiers l'aubergiste qui tremble qu'il n'arrive quelque accident à sa seigneurie. « Oh Dieu » dit-il à sa femme, pourvu qu'il ne s'aperçoive pas combien nos chemins sont en mauvais état. « Heureusement, il fait sec. »« Oui, mais la poussière. Pourquoi ne l'avoir pas mis dans la voiture une bouteille de ton sirop de limon ? Je n'y ai pas songé. » Voilà comme tu es, tu n'en fais jamais d'autre. Postillon, postillon, monsieur John, Milord. Bah, ils sont au diable. Ciel, se dit in petto le complaisant aubergiste. Guide les coursiers qui emportent César et ma fortune. Enfin vient le 3 du mois. L'aubergiste, dans la crainte de faire une sottise à Milord, l'attend encore près de 6 semaines. Ce laps de temps écoulé, il se décide à lever l'embargo. La porte de l'armoire est forcée, le bonnet est à son poste, il s'en empare, dénoue le cordon. Que trouve-t-il ? Du billon. Sablin, qui jouait parfaitement l'anglais, était passé maître dans ce genre de vol. Un jour, il parvint à escamoter 5000 francs à un aubergiste. Ce dernier n'était pas un grec, bien qu'il habitât Troyes. Mais c'était Troyes en Champagne.